Bonjour et bienvenue dans ce 21e numéro de Animer nos mélodies. Ce mois-ci, nous traverserons à dos d'orque les océans avec Tycho et ses amis. Nous bruisserons de fureur dans des combats titanesques avec Fatal Fury le film et nous aiderons la police japonaise avec des robots géants dans la série Pat Labor. Et on commence tout de suite avec le générique français de Tycho et ses amis, chanté par Dorothée. Tycho et ses amis, une orque, une petite fille. Un beau jour se sont rencontrés et ne se sont plus quittés. Tycho et ses amis, elles s'en vont dans la vie. Unies par un joli secret qui s'appelle l'amitié. Un bateau blanc qui navigue sur l'océan, toujours bercé par le vent. Tycho n'a plus de maman, mais elle a trouvé pourtant la chaleur, la joie, la douceur d'avoir au fond de son cœur les sourires d'une petite fille, la tendresse. Tycho et ses amis, de son vrai nom Nanatsu no Umi no Tycho, que l'on peut traduire par Tycho des 7 mers, est une série en 39 épisodes de la Nippon Animation. Il s'agissait à l'époque de la première série de la Nippon totalement originale et non adaptée d'un roman. La série date de 1994, mais elle fut diffusée en France une première fois dans le Club Dorothée en juin 1996, mais pas intégralement, et un an plus tard sur France 3. Tycho et ses amis racontent les aventures de Nanami Simpson, une jeune fille qui accompagne son père, Scott, océanographe, à la recherche d'un mammifère légendaire appelé la baleine lumineuse. Embarquée à bord d'un chalutier, le Petalancino, elle est suivie partout par Tycho, une orque qu'elle a apprivoisée. On retrouve aussi à bord du bateau le capitaine Alfonso, Al, fasciné par les trésors, ce qui jouera souvent des tours à l'équipe. Mais aussi une jeune femme du nom de Cheryl Melville, issue d'une famille bourgeoise et accompagnée de son majordome, James, ou encore Thomas, un garçon du même âge que Nanami, et dont le père, le professeur Lecomte, connaît le père de Nanami et s'intéresse aussi au monde sous-marin. Mais ce professeur travaille maintenant avec Korova, Un homme sans scrupules qui agit pour le compte d'un groupe d'industriels et recherche la baleine lumineuse afin d'en tirer profit. Merci à Planète Jeunesse pour le résumé de la série. On se retrouve après avoir écouté l'opening japonais « Sea Love You » chanté par Mayumi Shinozuka. Les musiques de la série télé ont été composées sous un pseudo, Hibiki Miwa, par une grande compositrice, Michiru Oshima. Celle-ci a travaillé sur de nombreuses œuvres cultes du jeu vidéo ou des animés comme Arc the Lade, Full Metal Alchemist, la première série, The Weathering Continent ou Le Dos, la légende de Christiania. On peut aussi la comparer à Yoko Kanno de par sa popularité et la grande variété de ses compositions. Malgré tout, on peut dire tout de même que Michiru Oshima a apporté plus de classicisme dans son travail, restant le plus souvent dans une orchestration symphonique tant que le budget le permettait. Sa composition sur Tico et ses amis est justement dans cette mouvance classique. Elle sert surtout à apporter à l'animation de beaux sentiments, sans jamais tomber dans l'exagération. La musique s'écoute comme un bel album musical où le vent et la mer jouent avec la pensée des auditeurs. Écoutons quelques thèmes de Nanatsu no Umi no Tico. Thank you. Thank you. L'ending Twinkle Talk est chanté par Mayumi Shinozuka. Vous retrouverez les références sur animenomelodie.fr ou bien dans la description du podcast. Allez, on sort nos labradors. Non, Jean-Pierre, on dit pas labrador, mais labor. Ah non, pas de labor dans animé nos mélodies. Sauver notre chère liberté. Dans un futur proche, c'est-à-dire à notre époque au vu de la date de l'animé, l'avancée technologique est telle, suite à de grands travaux au Japon, que l'homme créa de nouvelles machines pour l'y aider. Celles-ci sont appelées labors. On les trouve dans tous les services publics ou privés pour combattre les incendies, la construction de superstructures ou bien dans les opérations militaires. Cependant, des organisations terroristes ou civiles les détournent de leur fonction première. Pour y remédier, des brigades de police équipées de labors sont alors constituées. Pat Labor nous narre l'histoire de la 2e brigade d'intervention, auquel on retrouve une sympathique équipe, quelque peu surexcitée, dont la nouvelle recrue Noah Izumi, qui prend place dans le premier épisode de manière plutôt survoltée, est elle aussi, très surexcitée. Mirai Ha Lovers, arrangé par le grand Koei Tanaka, le compositeur de One Piece, et chanté par Hiroko Kasahara. Pat Labor est une série de 47 épisodes basée sur un manga en 22 volumes de Masami Yuki. Première fois diffusée en 1989 au Japon, La série arrivera 2 ans plus tard en France dans le Club Dorothée au lieu de la 5, certainement dû au problème de la 5ème chaîne justement arrivant en fin de vie. Mais elle sera vite déprogrammée au bout de 14 épisodes, dû au faible engouement pour la série par les jeunes téléspectateurs. Elle atterrira sur TMC dans Recré Kids en 1993 avec une diffusion presque intégrale. Pat Labor, fort de son succès au Japon, comporte une myriade d'OAV et de films. En France, nous avons eu lors de la diffusion en 2011 sur la chaîne Manga l'intégralité des épisodes suivis de la deuxième série d'OAV. La première série, elle, n'a jamais été diffusée en France et reste totalement inédite. A savoir que celle-ci fut dirigée par le grand Mamoru Oshii, qui se lança juste après dans le premier film de Pat Labor, sorti en France chez Manga Video en 1996. Les musiques de la série, ainsi que des OAV et films, sauf le dernier, ont été composées par Kenji Kawai. Comme nous avons déjà parlé de lui dans d'anciens animés de mélodies, nous allons passer directement aux musiques. Je dirais juste que Pat Labor fut le laboratoire de la plupart des prochaines productions musicales sur lesquelles Kenji Kawai aura travaillé par la suite, puisque c'est surtout là qu'il créera le style musical qu'on lui connaît. Vous retrouverez les références sur animenomelodie.fr ou bien dans la description du podcast. On retrouvera Pat Laborde dans le prochain numéro de votre émission, pour cette fois-ci, les OAV. Égypte. Un mystérieux individu s'empare d'une partie de l'armure d'Alexandre le Grand qui conférerait des pouvoirs extraordinaires à son propriétaire. Pendant ce temps, Terry Bogard, invité à une fête en l'honneur de la victoire de Joe Higashi dans un tournoi de kickboxing, est le témoin de l'attaque de Chang qui est sous le contrôle d'un masque maléfique. Ce dernier tente d'enlever une jeune fille prénommée Sulia, issue d'une ancienne famille. Elle vient demander de l'aide à Terry et ses amis pour qu'ils empêchent son frère jumeau, Lao Kong, de rassembler l'armure et devenir l'homme le plus puissant du monde. Nos valeureux héros, Terry, son jeune frère Andy, Joe et Mai, vont parcourir les quatre coins du monde et utiliser leur science des arts martiaux pour défaire le vilain et protéger le monde. Merci encore une fois à planètejeunesse.com pour ce résumé. Garo Dansetsu, The Motion Picture, que l'on peut traduire par La Légende des Loups Furieux, le film, est un long métrage de 1994 et qui fait suite à deux téléfilms diffusés sur Fuji TV en 1992 dans la mouvance des productions d'animés estampillées SNK avec plus ou moins de bonheurs divers. Le film sort en France chez Shoeiken, une édition en fait qui appartient à AB, en 1996 en VHS, puis en DVD chez Black Bones en 2011, sur un seul DVD avec les téléfilms pour 3h40 de pur baston. Nous devons les musiques de ce long métrage à Toshihiko Sahashi. Comme nous l'avions déjà entendu sur l'anime de Melody numéro 5, et oui c'est vieux, pour les téléfilms justement, que je vous conseille fortement d'écouter. On le connaît aussi pour son travail sur la franchise Full Metal Panic, la franchise Gundam Seed, ou encore Gunslinger Girl, Hunter x Hunter, Ray Earth, The Big O, ou plus récemment Saint Seiya Soul of God et Saint Seiya Omega. Pour le film de Fatal Fury, Toshihiko Sahashi reprend quelques thèmes connus de son travail sur les téléfilms en leur donnant un aura exceptionnel, puissante et orchestrale, et les musiques additionnelles sont incroyables de style et donnent l'envie de se jeter dans la bataille. Une des plus grandes compositions pour un film d'animation, de mon point de vue. On ne perd pas de temps et on écoute quelques larges extraits du CD. We'll be right back. Thank you. Animé de Mélodie, c'est fini. Merci à tous mes partenaires, RadioAnime.net, mais aussi Ryudoka et Yankuza, et à tous ceux qui ont contribué au petit succès de ce podcast auprès des amateurs de soundtrack d'animé. On se dit au mois prochain et on se quitte avec l'opening de Jigoku Sensei Nube. Et n'oubliez pas que la musique des animés, ce n'est pas que pour les Japonais. Dude. の景色変わってゆくよ。信じられないニュースはいつも靴箱の影隠れて待ってる。知らない世界覗けば怖くないもの増えて大丈夫いつだって強い左腕ついている何でもできるわけじゃないけど何かができるだけでいい明日の「これからも強い左腕」